minutes lors de notre rendez-vous avec X et Patrick Pénaud. Le cauchemar à nouveau. Depuis 1990, les Béroutins avaient oublié, ou fin d'oublier. Et soudain, au cœur de la ville, ce spectacle d'automobiles calcinées, de cadavres pantelants au milieu de la chaussée, comme un mauvais réveil. Mais après le drame, il y a eu la ferveur, le sursaut d'un peuple qui ne veut plus revivre les horreurs d'une guerre civile qui a ensanglanté leur pays pendant 15 ans. Car au-delà de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, les Libanais essayaient d'exorciser ce retour de la violence et leur propre peur. D'autant que l'homme qui venait de périr dans ce terrible attentat était justement celui qui avait présidé à la reconstruction de la capitale, balayant les ruines et truffant la ville de luxueux buildings. Alors, le Liban, convalescent mais pas guéri, risque-t-il de replonger dans la violence ? Plusieurs signes inquiétants, comme la recrudescence des attentats en territoire chrétien, peuvent le laisser craindre. Car même si les troupes syriennes commencent à se replier, la question communautaire demeure. Et l'incroyable puzzle religieux libanais est toujours porteur de menaces. L'occasion pour M. X de revenir sur les origines de la guerre et sur l'implication des puissances étrangères qui ont manipulé et armé les différentes factions. Saint-Air, rendez-vous avec X. Autant vous le dire tout de suite, il est bien difficile de voir clair dans cet épineux dossier tant les uns et les autres se sont efforcés de compliquer une situation qui n'était déjà pas si simple. Ouais. Le pluralisme communautaire. Ah oui, ça. Mais un pluralisme qui ne doit pas faire illusion. Contrairement à ce que prétendent certains Libanais chrétiens, il n'existe qu'un seul peuple au Liban, un peuple arabe. Alors, pourquoi ces chrétiens, justement, soutiennent-ils le contraire ? Pour se différencier de leurs concitoyens musulmans. Ces maronites affirment qu'ils sont les descendants des phéniciens ou encore des croisés européens. Mais pour tous les gens sérieux, c'est de la fumisterie. Et les ethnologues font remarquer que tous les Libanais, à la seule exception de la communauté arménienne, partagent la même langue, la même culture et les mêmes structures de parenté. Enfin, passons. Oui, d'accord. Mais alors, comment ce pays, qu'on a longtemps appelé la Suisse du Proche ou du Moyen-Orient, je ne sais plus, a basculé dans la violence ? Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il faut bien dire que le passé libanais est très tumultueux. Ne remontons pas plus loin qu'au XIXe siècle. C'est-à-dire à l'époque de la domination turque. Oui. Les chrétiens maronites qui jouissent d'une relative autonomie forment alors la communauté la plus importante du pays, où l'on trouve aussi d'autres églises chrétiennes, mais aussi des sunnites, des chiites et des druzes. En fait, ce nom, la maronite... Ça vient de Saint Maron, un ermite du 5e siècle qui est à l'origine d'une secte chrétienne longtemps persécutée par l'Empire byzantin. Les maronites se sont essentiellement fixés sur le mont Liban, une véritable forteresse naturelle. Mais revenons au 19e siècle. Ouais. La montée en puissance des maronites et leur expansionnisme croissant irritent les druzes. Alors, ceux-là, qui sont-ils ? Alors ça, c'est une secte musulmane, hérétique, chassée autrefois d'Égypte et qui a en particulier trouvé refuge dans la montagne libanaise du Chouf. Mmh. Ce sont des guerriers très disciplinés, qui s'interdisent tout prosélytisme. À la différence des chrétiens et des autres musulmans. En effet, oui. À partir de 1820, la rivalité entre les maronites et les druzes prend une tournure violente. Les chrétiens estiment en effet qu'étant les plus nombreux, ils ont vocation à être les maîtres du pays. Et à plusieurs reprises, on observe des révoltes druzes. Mais en 1840, c'est une véritable guerre civile qui va éclater et ruiner le pays. Une guerre qui va durer 20 ans. Et qui est d'une certaine façon la répétition générale de ce qui se passera un siècle plus tard. Eh bien, comme lors de la guerre qui commencera en 1975, les Libanais, incapables de régler entre eux leurs différends, vont s'en remettre à l'étranger. Ce qui leur permettra ensuite de prétendre qu'ils sont les victimes de rivalités internationales. Alors qu'ils ont été les premiers à faire appel aux puissances étrangères. Exactement. Donc au 19e siècle, les maronites demandent le soutien de la France. Les druzes, celui de la Grande-Bretagne,

la population musulmane s'est sentie naturellement concernée. Elle a pris parti contre l'occupation de Jérusalem, de la Cisjordanie... Et de Gaza. Il faut aussi tenir compte du fait qu'en théorie, au moins, le Liban était toujours en guerre contre Israël. Comme les autres pays arabes. Une convention d'armistice avait été signée, mais pas la paix. Cette question palestinienne a donc été un nouveau facteur de division entre chrétiens et musulmans. Ouais. Parce que... À la suite de cette guerre, de nouveaux Palestiniens se sont installés au Liban. Évidemment. À la fin des années 60, combien étaient-ils ? On estimera juste avant 1975 qu'ils représentaient 10% de la population libanaise. Parce qu'il y aura encore ceux qui, pour échapper au massacre de Septembre Noir en Jordanie, se réfugieront aussi au Liban. Mmh. Alors, en 1975, 10%, cela commence à faire beaucoup. Hein. En effet. Beaucoup trop, en tout cas, pour les maronites qui ne les apprécient guère et qui craignent, à juste titre, que la présence des Palestiniens ne finisse par leur attirer de sérieux ennuis avec Israël. Parce que les fédayines vont mener des actions contre Israël à partir du territoire libanais. Et les différentes factions palestiniennes vont installer à Beyrouth même leur structure de commandement. Ouais. Beyrouth qui devient ainsi, provisoirement une sorte de capitale palestinienne. Et qui est frappée dès 1968 par les Israéliens. Un commando héliporté s'introduit dans l'aéroport de Beyrouth et détruit tous les avions de la flotte commerciale libanaise. Ce qui provoquera la fureur du général de Gaulle qui décidera un deuxième embargo contre Israël. Mais ça n'empêchera pas l'aviation israélienne d'effectuer un raid aérien au Liban sur un camp de réfugiés tandis que les incidents se multiplient à la frontière entre les deux pays. Au sud Liban, donc. Et les nombreuses incursions israéliennes provoquent aussi la mort de civils libanais. Le gouvernement de Beyrouth, bien embarrassé, cède alors à la pression des Palestiniens et va conclure avec eux, en 1969, un accord assez incroyable et pour tout dire très imprudent. C'est-à-dire ? Beyrouth leur reconnaît le droit de mener la lutte armée contre Israël à partir du territoire libanais. Et d'autre part, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, obtient d'exercer un contrôle quasi exclusif sur les camps de réfugiés. Un accord qui met donc à mal la souveraineté libanaise. Assurément, et qui va peser très lourd dans la suite des événements. Pourquoi alors ? D'une part, les Palestiniens ont de plus en plus tendance à se sentir chez eux au Liban, ce qui provoque la fureur des maronites. D'autre part, Israël va désormais se sentir autorisé à frapper ses ennemis sur le territoire libanais. Quoi qu'il en soit, cette omniprésence des commandos palestiniens se traduit par plusieurs incidents sanglants avec l'armée libanaise. Une armée censée refléter la composition confessionnelle du pays. Son commandant en chef est chrétien, mais le chef d'état-major est druze. C'est pas simple, hein ? Eh, mais rien n'est jamais simple au Liban. Toutefois, malgré ce partage théorique des pouvoirs, l'armée libanaise, en raison de la présence dans ses rangs de nombreux officiers maronites, aura toujours tendance à pencher du côté chrétien. On s'en apercevra bientôt. Les militaires n'hésitent pas à intervenir contre les Palestiniens, mais ils se montrent curieusement passifs lorsque les Israéliens font des incursions au sud Liban ou lorsque leurs commandos viennent frapper des dirigeants palestiniens au cœur de Beyrouth. Alors ça veut dire qu'il existe déjà une sorte de... une connivence entre maronites et israéliens ? Elle est au moins implicite, mais elle ne tardera pas à se concrétiser un peu après le début de la guerre. Il ne faut pas s'en étonner. Après tout, ils ont les mêmes ennemis, les Palestiniens. Cela signifie donc que la tension ne cessera de croître entre l'armée libanaise et la résistance palestinienne. Et avant même le déclenchement de la guerre, on observera des accrochages très sérieux. Autant d'incidents qui creusent encore le fossé entre chrétiens et musulmans. Ouais, alors dès lors, l'affrontement paraît inéluctable. Oui, et chez les maronites, on s'y prépare activement. Comment le... Bon, en armant et en entraînant les ministres. Alors... Un mot peut-être sur ces milices. Volontiers. Mais tout d'abord, il faut dire que le camp chrétien est lui-même très divisé. Les principaux chefs, ces seigneurs de la guerre, comme on les a appelés, disposent chacun de leurs propres forces armées. Des milices rivales qui parfois se lanceront les unes contre les autres avec une sauvagerie inouïe. Alors, voyons ça de plus près. La milice la plus importante est celle des Gemayel. Les phalanges. Hein. Qu'on nomme aussi les Kataeb. Pierre Gemayel, le chef du clan, a créé ce parti avant-guerre, après un voyage en Allemagne où il a été très impressionné par les nazis. Est-ce qu'il situe d'emblée à l'extrême droite ? C'est exact. Ouais. Et les autres ? Soleiman Frangier, président de la République dans les années 70, possède aussi sa propre force, les brigades Marada, et il règne en maître dans son fief du nord du pays. Il y a aussi les Tigres, ou Noumour de Kami Chamoun, un autre chef de clan. et encore beaucoup d'autres, comme par exemple les gardiens du Cèdre. Et en face ? Les Palestiniens disposent bien sûr de leurs propres forces, très bien armées, grâce aux subsides de l'Arabie Saoudite, entre autres, et ils entendent de représenter la communauté sunnite. Les Druzes, du chef progressiste Kamal Jumblatt, possèdent aussi leurs milices. Ils vont rejoindre les Palestiniens et la gauche libanaise au sein d'un mouvement national. Et puis il y a une organisation chiite, créée par l'imam Moussa Sadr, le mouvement des déshérités, qui se dote également d'une milice. Tout ça fait... Beaucoup d'hommes armés, hein ? Beaucoup trop, oui. Il est certain que le moindre incident peut dégénérer, d'autant que les voisins israéliens et syriens ne cessent de mettre de l'huile sur le feu. Israël, je comprends, à cause des Palestiniens, mais la Syrie, pourquoi ? D'abord, la Syrie n'a jamais renoncé à annexer le Liban. Ensuite, face au désengagement progressif de l'Égypte, qui veut mettre fin à la confrontation avec Israël, le président syrien Hafez al-Assad entend se poser en champion de la cause arabe. Contre Israël ? Naturellement. Et il rêve de contrôler à son profit la résistance palestinienne. Mais la Syrie abrite déjà des Palestiniens. Assad a même encouragé la formation d'une force armée, la Saïka, qui servira souvent de faune à l'armée syrienne. En tout cas, tous les ingrédients sont donc rassemblés pour que l'explosion se produise. Et c'est le cas, en avril 1975. Alors que Pierre Gemayel participe à l'inauguration d'une église dans la banlieue de Beyrouth, des inconnus tirent sur la foule, il y a deux morts, les représailles commencent aussitôt. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quels ont été les éléments déclencheurs de la guerre civile libanaise ? Voici l'analyse de Charles Zorgbib dans un ouvrage publié au PUF. Pour certains observateurs, le conflit est purement interne. Il tire ses racines d'un système communautaire dépassé qui exprimait le compromis entre un Liban à visage arabe, thèse chrétienne, et un Liban intégré à la Syrie, thèse sunnite. Cependant, le système ne pouvait fonctionner sur la base d'une association de minorités car les partis politiques ne recherchaient pas l'intérêt général du pays mais poursuivaient des intérêts confessionnels, locaux ou personnels. Le président de la République, obligatoirement chrétien, et dont le statut était hybride, ni chef de l'État d'un régime parlementaire, ni président d'un régime présidentiel, tirait en fait un pouvoir toujours plus renforcé entre ses mains des divisions du Parlement ou de l'impuissance du cabinet. La rupture du système se serait produite lorsque les contradictions sociales et économiques auraient fait apparaître l'obsolescence de ce cadre institutionnel fondé sur le confessionnalisme. Pour d'autres, la présence des Palestiniens, qui constituent véritablement un État dans l'État, a divisé l'opinion publique partagée entre les impératifs de la sécurité et les exigences de la solidarité arabe devant se manifester par un soutien aux fédayines. Dans le cadre de cette contradiction, l'accord du Caire du 3 novembre 1969 impose au Liban une doctrine de la souveraineté limitée à usage inter-arabe qui, par ricochet, prolonge au pays du Cèdre les rivalités arabes qui ne peuvent s'exprimer ailleurs. Vous parliez de représailles hein, après ces tirs anonymes devant une église. En effet, le hasard fait que peu après cette fusillade, un autocar transportant des fédayines passe devant cette même église. Aussitôt, les phalangistes présents ouvrent le feu. Une trentaine de Palestiniens sont tués. La gauche, essentiellement musulmane, mais il y a aussi des chrétiens chez les Palestiniens, proclame la grève générale. Et trois jours plus tard, le cœur de Beyrouth s'embrase. Phalangistes et membres des milices de gauche s'affrontent, armes à la main. Ouais, c'est la guerre civile qui commence. Ouais. Et elle va durer au moins dans cette première phase près de 2 ans. À Beyrouth seulement ? Non, d'autres combats se déroulent au sud, au nord et à Zalé, une ville qui se trouve au débouché de la plaine de la Bekaa. Une ville chrétienne. Donc c'est la guerre totale, quoi. Bon, enfin, inutile d'entrer dans les détails. Vous vous souvenez sans doute des images de ces combats de rue dans Beyrouth. Oui, ce qu'on a appelé la bataille des grands hôtels. Et qui va provoquer la ruine de ces luxueux établissements. Il faudrait aussi parler de l'incendie des souks par les chrétiens ou encore de l'institution de la ligne verte. En fait, une ligne de front qui sépare Beyrouth en deux. À l'ouest, les musulmans. À l'est, les maronites. Et puis il y a les massacres de part et d'autre. Un seul exemple, le samedi noir, au mois de décembre 1975. à la suite de la découverte de 5 cadavres de phalangistes mutilés à la hache. Leurs camarades de combat se déchaînent et massacrent une centaine de musulmans. Oui. Et mais comment réagit-on à l'étranger ? Les Syriens, les premiers, essaient de calmer le jeu. Une tentative qui, vous l'imaginez bien, n'est pas tout à fait désintéressée. En fait, Damas brûle d'envie de mettre son grain de sel dans le conflit. Le Vatican, la France aussi, prêche la paix. Mais des initiatives uniquement diplomatiques. Hein. Et qui provoquent effectivement peu d'effets sur le terrain. Ouais. Les États-Unis ? Ils sont d'abord impliqués dans la politique de rapprochement entre l'Égypte et Israël. Et pour eux, la situation libanaise passe au second plan. Et pourtant, la spirale de la violence semble ne jamais pouvoir prendre fin. Exactement comme si les Libanais prenaient une sorte de plaisir pervers à détruire ce qu'ils avaient construit. Mais est-ce que, déjà, enfin, en dehors de ces initiatives diplomatiques, les puissances de la région interviennent dans le conflit ? Oui, oui. La Syrie, très liée à l'URSS, se sent naturellement proche de la gauche libanaise. Et de l'autre côté, chez les chrétiens, on a noué très tôt des liens avec Israël. Mais qu'attendent-ils des Israéliens, là, les chrétiens ? Une protection, des armes. Ouais. Alors ça veut dire que des contacts ont donc eu lieu. Oui, effectivement, et dans le plus grand secret. C'est d'abord le clan Chamoun qui a initié ces relations. Réaction des Israéliens ? Ils ne sont pas très chauds. Ils se demandent surtout s'ils peuvent faire vraiment confiance à ces conservateurs chrétiens qui ont tendance à pleurnicher. Et puis après tout, cette situation de chaos qui prévaut au Liban, un État arabe, ne leur déplaît pas. Il en ira forcément autrement quand la Syrie s'impliquera militairement dans le conflit. Autre élément très troublant. Les Palestiniens. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Jusqu'à la fin de l'année 1975, les Palestiniens, bien qu'étant liés au camp musulman progressiste, se sont bien gardés de s'immiscer dans cette guerre confessionnelle interne. Mais au début 1976, les phalangistes lancent des attaques contre des camps palestiniens. Et ce n'est pas innocent. Expliquez, là. Il s'agit clairement d'impliquer les Palestiniens et de les obliger à riposter. Mais d'accord, mais pourquoi ? Le camp chrétien, obsédé par la présence palestinienne au Liban, veut ainsi montrer du doigt les vrais fauteurs de troubles. En outre, cet engagement contre les Palestiniens ne peut pas déplaire aux Israéliens. Ouf, ça c'est du billard à plusieurs bandes. Hein. Oui, puis ça sera toujours le cas jusqu'au bout de cette guerre civile, quoi qu'il en soit. Les Syriens réagissent à leur façon en décidant d'envoyer au Liban cette Saïka dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais, c'est-à-dire une armée palestinienne sous commandement syrien. Oui, oui, et curieusement, personne ne s'offusque. Ni les Israéliens, qui feignent de croire qu'il ne s'agit pas véritablement d'un engagement syrien, ni même les chrétiens. Ça, c'est déjà plus bizarre. Hein. Vous avez raison, car on va assister à un véritable retournement d'alliance. Bon, n'allons pas trop vite. Bien entendu. Notons tout de suite, si vous voulez bien, que cette intervention syrienne, car c'est bien de cela dont il s'agit, est approuvée par Washington. Et effectivement, un cessez-le-feu intervient. Donc sous l'égide de la Syrie. Exactement. Mais le camp progressiste, ou le mouvement national, comme on l'appelle désormais, a l'impression que la Syrie lui a volé sa victoire, car les chrétiens se trouvaient en mauvaise posture. Aussi son leader, Kamal Jumblatt, décide-t-il de reprendre le combat. Contre la volonté syrienne. En effet. Et peu à peu, la rupture va s'amorcer entre la gauche et les Palestiniens d'une part, et la Syrie d'autre part. Et c'est ce retournement d'alliance que vous annonciez là. C'est ça. Et ça va aller très loin, puisqu'au début de l'été 76, les chrétiens en difficulté vont faire officiellement appel à la Syrie. Il y a l'ennemi d'hier. Qui s'empresse, bien entendu, de répondre favorablement à ce SOS. Mmh. L'armée syrienne va donc entrer au Liban. Hein. Oui, je dois dire aussi que la guerre entre les deux camps a pris une nouvelle tournure. Dans Beyrouth, les belligérants se battent maintenant à l'arme lourde. En même temps, des deux côtés, on se livre au pillage pour financer la guerre. Ainsi, ce sont vraisemblablement des Palestiniens qui ont effectué le casse du siècle en fracturant les coffres de deux grandes banques. Mais il n'est pas exclu que quelques chrétiens et des gangsters leur aient donné un coup de main. Un gros butin ? Bon, difficile à chiffrer, mais sans doute des dizaines de millions de dollars. Quant aux miliciens phalangistes, ils ont consciencieusement pillé le port. Et là encore, le butin a atteint des sommes faramineuses. Ouais. Un point partout, quoi. Mmh. Revenons à l'attitude syrienne. Pourquoi le président Assad accepte-t-il aussi facilement ce changement d'alliance ? Franchement, le sort des chrétiens lui est bien indifférent. Mais l'appel au secours qu'il lui envoie est une divine surprise, parce que ça lui permet de pénétrer au Liban avec la panoplie du chevalier blanc et toujours dans l'espoir de construire un jour la grande Syrie. Il poursuit trois objectifs. Contrôlant la guerre, il contrôle ipso facto le Liban. Il peut aussi avoir l'œil sur ces Palestiniens trop remuants qu'il aimerait bien manipuler à son profit. Et enfin, il entend éviter une partition du Liban et donc la création d'un État chrétien qui, immanquablement, s'allierait à Israël. Chez lui, c'est donc pur machiavélisme. Bien évidemment. Ouais. Ouais. Mais est-ce que Israël peut accepter l'intrusion syrienne au Liban ? Les dirigeants israéliens ne sont pas ravis. Mais leurs protecteurs états-uniens n'y trouvent rien à redire. Ils sont donc obligés de manœuvrer dans la coulisse. Et comme le président Assad l'a bien imaginé, il joue la carte d'un État maronite indépendant. En aidant les chrétiens, non ? Oui. Cependant, il n'y a pas unanimité à Tel Aviv. D'autres envisagent au contraire une partition différente du Liban. Expliquez quelle partition ? Israël annexerait le sud du Liban et abandonnerait le nord à la Syrie. Le nord où seraient refoulés les Palestiniens. Ainsi serait réglée la question palestinienne. Et certains stratèges à Washington ne sont pas loin d'approuver un tel projet. Et ces différents plans-là trouvent un commencement d'exécution ? Les chrétiens, grâce à l'entrée des troupes syriennes, ont desserré l'étau des forces palestino-progressistes et ils se lancent à l'assaut d'un important camp de réfugiés à Tel Zaatar, dans la banlieue de Beyrouth. Un camp qui forme une enclave dans le camp chrétien. On va alors assister à la plus terrible bataille de cette guerre des deux ans, comme on l'a appelé. 3000 Palestiniens vont y trouver la mort, et il y aura des milliers de blessés. La bataille aura duré presque 2 mois, et permis aux chrétiens de se constituer un territoire homogène. L'amorce d'un État maronite ? Pourquoi pas ? Et les Syriens ont laissé faire ? Mieux. Ils vont à leur tour lancer leurs troupes contre les forces palestino-progressistes. Mais les pays arabes vont siffler la fin de la partie et mettre fin à la guerre, au moins provisoirement. Les pays arabes, là, Enfin, principalement l'Arabie Saoudite, bailleur de fonds des Palestiniens. Elle ne peut accepter l'écrasement de la résistance palestinienne. Et en parfait accord avec les deux super-grands, elle obtient de la Syrie un arrêt des combats. Puis au cours d'un sommet arabe, il est décidé d'envoyer au Liban une force de dissuasion qui doit veiller à la sécurité et faire respecter le cessez-le-feu. Toutefois, les dés sont pipés. Pourquoi là ? Parce que la FAD, la force arabe de dissuasion, est essentiellement composée de soldats syriens. Cela signifie que Damas va continuer à contrôler le Liban via cette FAD. En tout cas, le Liban en ruine connaîtra une relative accalmie. Mais 60 000 personnes ont déjà trouvé la mort et des dizaines de milliers d'autres ont fui. Et la paix est précaire. Hein. Très précaire, oui, car toutes les factions, malgré la lassitude de la population, ne demandent qu'à en découdre à nouveau. Et après avoir appelé les Syriens à la rescousse, les chrétiens vont tout faire pour se débarrasser de leur tutelle, tandis que les Israéliens se décident à intervenir militairement. Mais si vous le voulez bien, nous verrons cela la semaine prochaine. Rendez-vous est pris à samedi prochain et je vous rappelle que sur franceinter.com vous pourrez réécouter cette émission, un site où vous trouverez aussi un certain nombre de références bibliographiques sur cette guerre civile libanaise et je vous rappelle aussi la parution de 2 livres sur les mémoires de M. X. Il est 14h01 sur